ta hakurin da muka yi yau mun samu zabi mai nagarta zabin Allah shine zabi yau na fahimta makurci shine kodaci mun zama in gata makurci mai dace ne Samalu.